cœur de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Guémozo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Pour ce tout nouveau numéro d'Autour de vous, je suis avec Claire. Bonjour, comment ça va? Bonjour Laura, ça va très bien, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs? Oui, alors je m'appelle Claire Chauffel, je suis née à Remiremont. J'ai un atelier artisanal qui se trouve à Basse-sur-le-Rue, puisqu'aujourd'hui j'habite Basse-sur-le-Rue. Ça se trouve entre Vanier et la Bresse. Je suis artisan d'art du cuir. Je suis, donc les métiers c'est bottière et maroquinière. Bottière c'est fabriquer des chaussures, c'est ma formation initiale. Et maroquinière c'est fabriquer des portefeuilles, des petits objets, des sacs. Des ceintures, enfin c'est tout le reste, hormis les guêtres et les chaussures qui appartiennent au métier de bottier. Voilà. Du coup, est-ce que vous pouvez nous parler de votre profession ? Ma profession, donc initialement, moi je suis formée en fabrication de chaussures, j'ai appris ça en France, dans la Drôme, en 2006-2007, j'ai ouvert l'atelier chez moi après. Donc j'ai appris à faire des chaussures en cuir montées sur forme de façon traditionnelle, c'est-à-dire avec une doublure, des contreforts, du semelage en cuir cousu, ça s'appelle du montage black. Au jour d'aujourd'hui, j'ai 5 modèles qui font partie de mes articles. C'est de la chaussure qui est fait main, donc c'est de la chaussure assez onéreuse. Donc aujourd'hui, ce n'est pas mon cœur de métier. Mon cœur de métier, c'est plutôt la maroquinerie en création, pour le particulier, et aussi pour ma marque qui s'appelle Claire with a K. Ça veut dire Claire avec un K en français. Et c'est une marque que j'ai déposée en 2009. Voilà, donc ça fait déjà pas mal de temps qu'elle existe finalement. Ah oui, ça fait déjà une paire d'années. Oui, ça passe. Hein. Alors pourquoi ce nom justement ? Ah ben, en fait, comme je m'appelle Claire Chauffel, je vais à Nancy pour déposer ma marque. Je voulais que ça s'appelle Claire, donc c'était K-L-A-I-R dans mon esprit. Et en arrivant là-bas, la dame des inscriptions, elle me dit non, ça ne va pas être possible puisqu'il y a déjà Claire's Accessories qui existe. Donc ça, c'est une marque mondiale et ils vont vous chercher des poux parce que vous êtes dans les mêmes codes. Bon, phonétiquement, c'est le même son, même si ça s'écrit pas pareil, ça va pas être possible. Et puis, spontanément, je lui dis, ben, si on écrit une petite phrase, est-ce que ça passe? Elle m'a dit oui. Je lui dis, ben, on va faire Claire with a K. Donc, Claire avec un K. Elle m'a dit, oh, ben là, vous êtes toute seule, c'est bon, ça marche. Puis, c'est parti comme ça. En fait, c'est un concours de circonstances. Puis, comme j'avais pas envie de revenir exprès, il fallait que je me dépêche. Ouais, ça s'est fait très spontanément, en fait. D'accord. Cette création de marque. Des noms. Ah, vous avez fait une formation, j'imagine, pour faire ça? Oui. Donc, avant, j'étais opticien lunetier et j'avais beaucoup de loisirs créatifs, de la peinture, de la sculpture, du théâtre. Et je voulais me diriger vers un métier manuel avec de la création pour pouvoir laisser libre cours à mon imagination et me réaliser dans une matière. Et j'ai mis assez longtemps à trouver quelle matière, donc c'était le cuir, ça devenait évident. Et après, avec des rencontres, je me suis dit, ben oui, des chaussures, c'est top. Donc voilà, j'ai cherché comment me former et je suis partie dans la Drôme, à Romans-sur-Isère. J'ai fait un CAP de botterie, parce que j'étais trop vieille pour faire une école. Et puis voilà, après, une fois que ça m'a vraiment plu, c'était extra. J'étais pleine d'énergie, d'engouement. En fait, je n'ai pas trop réfléchi à la suite. Et puis, effectivement, la suite, c'était rentrer dans les Vosges. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends un local boutique? Il faut que je m'entraîne. Il faut que j'essaye de faire différentes choses. Et puis, je me suis dit, bah, j'ai de la place. À côté de ma maison, il restait une esplanade vide. Donc, j'ai créé un petit atelier là. Et puis, il y est toujours. On n'a pas changé de place. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans cette profession ? Ce qui me plaît le plus, c'est d'avoir eu le choix de ma matière, déjà. Parce que des artisans d'art, dans les Vosges, il y en a plein, même si on n'est pas toujours très identifiable, visible. Donc, des matières à travailler, il y a la pierre, le bois, le métal, le papier, le textile, enfin quoi que le cuir, ça fait partie des textiles. Mais bon, voilà, moi, ma matière de prédilection, c'était le cuir. C'est inscrit, je pense, dans mon enfance, avec l'odeur et le toucher de la peau, finalement. Parce que où j'allais en vacances quand j'étais gamine, il y avait un cellier au bout de la rue, un vieux monsieur, et ça sentait fortement le cuir, et j'allais toujours traîner là. Et donc c'est quelque chose qui vient de ma mémoire, en fait, enfantine. Et j'aimais bien l'atmosphère qu'il y avait dans son atelier, c'était très chaleureux. Et tout ça, ça en fait, en allant en formation cuir, ça m'est en même temps tout revenu à l'esprit. C'était enfoui quelque part. Et voilà, je me suis, on va dire, réalignée sur quelque chose qui me correspond bien. Et c'est vrai qu'optique, j'avais fait optique pour le côté manuel, parce que dans les études d'optique, on apprend à tailler les verres, on apprend à braser les cercles de lunettes, on apprend plein de techniques manuelles. Et c'est ça, ça m'avait beaucoup plu. Après, en magasin, on fait plus trop ça, quoi. Surtout aujourd'hui, tout est numérisé, les tourets sont numériques, enfin, c'est la programmation plus que du manuel. Par contre, il y a beaucoup de paperasse. Et donc, je m'étais éloignée d'un corps de métier manuel, en fait. Donc, il a fallu que je retrouve et quelle matière je voulais travailler et quoi faire avec. Aujourd'hui, même si j'étais formée en chaussures, en maroquinerie, c'est de l'auto-formation, on va dire. J'ai démonté pas mal de sacs et puis ça me permet de créer des formes et des volumes que j'essaye volontairement d'être différent de la proposition industrielle, aussi en qualité de cuir, en couleur. Et ce que j'aime bien, c'est réaliser au moins une collection ou deux collections par an qui sont issues de mon imaginaire. Ça peut être un bijou, ça peut être un sac, ça peut être des ceintures. C'est vrai, j'essaye de créer des pièces qui sortent de l'ordinaire, qui restent accessibles en prix. Enfin, il y a plein de facteurs. Quoique des fois, non, les guêtres, ça peut être chéro, mais voilà. C'est une réalisation en même temps que de faire plaisir à quelqu'un en lui confectionnant une pièce particulière qu'il attend, qu'on a quelquefois étudié ensemble en amont ou quelquefois pas du tout parce qu'il y a des gens qui me laissent carte blanche et ça, c'est top. Merci de leur confiance. Et voilà. Je pense à des bijoux pour les mariés, des bijoux particuliers. C'est plein de choses. C'est à la fois de la créa, de la technicité, de l'imagination. Découvrir, faire plaisir, découvrir aussi les gens qui osent venir jusqu'à l'atelier. Ils sont toujours un petit peu perdus parce qu'il y a plein de cuirs différents, il y a plein de couleurs. Parce que moi, je mets plutôt l'accent sur la couleur plutôt que le marron et le noir. Évidemment, j'en ai, mais c'est quand même du marron et du noir. Vous pouvez en trouver en boutique, hein. C'est pas ce qui manque. Et puis, voilà, oui, je pense être artisan d'art, c'est aussi aimer faire plaisir, aimer le relationnel avec son client. C'est une question de proximité. Il y a tout dans ces genres de métiers-là. Il y a le développement de l'artiste qu'on est et le côté humain. Comment vous faites les couleurs des sacs à main ? Est-ce que vous achetez déjà la matière qui est colorisée ou c'est vous qui le faites ? Oui, moi j'achète tous mes cuirs au coup de cœur. C'est-à-dire je prends les peaux qui me plaisent. Bon, en fait, mon esprit voit une peau, il imagine tout de suite qu'est-ce qu'il peut faire avec. Mes peaux, donc pour les grandes peaux, le veau, la vachette... quelquefois des peaux particulières qui sont poilues. Tout ça, je les achète dans des entrepôts qui collectent les fins de série. Donc ça s'appelle les entrepôts d'upcycling. Parce que upcycling en anglais, ça veut dire réutilisation. Et donc je ne fais pas tanner du cuir pour moi-même, quoi. Moi, je me sers dans les surplus, les fins de collection d'atelier, enfin, tous les entrepôts qui collectent les pots qui sont de fin de collection ou stock dormant. Et quelquefois aussi, je taille dans des vieux manteaux, des vieilles vestes. Je pense à des manteaux de fourrure, par exemple. Pour l'agneau, je fonctionne avec une tannerie. Parce que l'agneau, c'est difficile à trouver dans les systèmes de upcycling, il faut pas être trop exigeant en couleur. Donc moi, je travaille avec la tannerie française qui s'appelle Baudin Joyeux. Donc l'agneau, j'utilise dans les chaussures et quelquefois dans la petite maroquinerie. Mais c'est une peau très fine qui a, quand on la touche, on dirait du coton. C'est très souple, très fin. Par contre, c'est très résistant. C'est vraiment des cuirs qui sont, comment dire, très attractifs au niveau du toucher, parce que c'est très doux. Et ça me fait penser que aussi quand je reçois les gens pour la visite de l'atelier, donc dans la visite, je montre le process d'une fabrication de chaussures, comme j'ai appris, avec un montage sur forme, avec tous les outils à main, les machines. Et à la fin, je fais aussi toucher tous ces cuirs en essayant de leur faire deviner qu'est-ce que c'est comme bête, en fonction de la taille de la peau, en fonction de l'épaisseur, de la souplesse. Et donc, ils sont toujours... en fait, les gens, ils connaissent pas le cuir. Ils savent en gros ce que c'est, mais ils savent pas l'identifier. Donc, c'est assez pédagogique comme visite, en fait. Voilà. Quel est l'article qui a le plus de succès dans tout ce que vous faites, dans les sacs à main, etc.? Qui a le plus de succès, vous voulez dire ce que je vends le plus en volume? Voilà, c'est ça. Ben, c'est des articles de petit prix. Hein. Aujourd'hui, la conjoncture, elle est quand même difficile. Donc, c'est les boucles d'oreilles, les bracelets. Oui, ça, c'est pour les produits qui sont finis. Quand, par exemple, à l'issue d'une visite, ils veulent acheter quelque chose, ils vont acheter des petits produits comme ça. Sinon, la chose que je vends le plus, c'est les bons cadeaux de stage. À la fois destinés à des enfants ou des adultes ou des départs en retraite. Parce que j'ai créé 8 stages qui sont accessibles à partir de l'âge de 7-8 ans. Donc, c'est des stages qui ne demandent pas à savoir coudre ou avoir déjà pratiqué quelque chose manuellement. C'est vraiment pour faire découvrir, se faire confiance, choisir un projet, l'amener jusqu'au bout. Et moi, je fais l'accompagnement de cet individu ou des mini-groupes qui se constituent. Donc, c'est aussi à but éducatif pour les enfants, surtout parce que quelquefois, j'ai des pré-ados, on va dire dans les 13 ans, 13-14 ans, qui sont en recherche de travail, ils essayent de voir qu'est-ce qui leur plairait comme voie professionnelle. Et ils ont besoin de se confronter à la matière, en fait, pour voir s'ils sont capables de se faire confiance, de mener vraiment le projet jusqu'au bout. Bon, je vous rassure, tout le monde est arrivé. Et tout le monde est content de repartir avec ce qu'ils ont créé, ce qu'ils ont imaginé. Et voilà, ils repartent avec leur produit fini. Ça peut être aussi avec... Donc moi, j'ai plus de touristes que de locaux. Donc en cette période, c'est plutôt les familles, donc c'est les parents avec les enfants. Et aussi, c'est un moment pour eux de se poser, de réaliser quelque chose ensemble, de prendre du temps pour être ensemble. Et c'est très sympa. Ouais, j'adore. J'adore la façon dont j'ai monté les stages. Est-ce que vous avez du personnel qui travaille avec vous ou vous travaillez seul? Je travaille seule, non, je fais tout toute seule. Je suis pas en capacité de prendre du personnel. Déjà pour au niveau de la place, j'ai des sollicitations pour des stagiaires issus d'écoles et mon atelier il fait 25 mètres carrés avec toutes les machines et tout le cuir. C'est pas possible de prendre quelqu'un dans une condition de travail aussi étroite et aussi au niveau question d'assurance, c'est pas simple. Ça serait pas simple, donc je préfère pour l'instant ne pas en prendre. Tant que l'atelier est dans ce petit local, ça restera comme ça. Je dirais que mon atelier pourrait se développer si la conjoncture économique était meilleure. Moi, je suis arrivée, donc l'atelier il existe depuis 2008. Depuis 2008, les conjonctures elles ont fait que se dégrader, quoi. Donc je suis jamais sortie de là, je suis chez moi, donc au niveau du loyer, il y a plus de charges. Ça me sauve, quoi. Parce que c'est quand même un des métiers qui ont des flux commerciaux qui sont en dents de scie. On ne peut pas dire que ça soit très linéaire. Donc cette façon de fonctionner, c'est à la fois rassurant et économiquement viable. Et le fait de travailler toute seule, ça demande pas mal d'énergie aussi. Il faut être sur tous les fronts. Oui, c'est vrai, mais c'est un mode de vie. Donc, comment dire, j'ai un petit peu honte de dire ça, mais moi, j'ai pas l'impression de travailler. Mmh. C'est pas quelque chose qui m'est imposé, c'est vraiment des choix. Un choix de vie, un choix d'organisation, ça vient du cœur. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu changer de métier, parce que je voulais faire quelque chose qui me stimulerait. Et puis faire quelque chose qu'on aime, c'est vraiment incroyable aujourd'hui. Paraît-il. Mais je pense que quand même, on a la possibilité si on veut. Hein. C'est juste une question de volonté, d'envie, de motivation. Certes, au départ, ça demande beaucoup d'investissement, d'énergie et de croire en soi, de mettre tout ça en place. Mais je pense que, en tout cas pour ma part, j'y ai pas trop réfléchi en termes très pragmatiques, économiques et tout ça au départ. Et je crois que si je l'avais fait, j'aurais pas mené la chose au bout. Je me suis laissée porter par l'envie. L'envie, et c'était devenu vital de sortir d'une pression professionnelle que j'avais avant. Et je voulais vraiment me réaliser. C'était important. Faut avoir du cran pour se réorienter comme ça, de tout remettre à zéro. En fait, ça doit pas être évident sur le coup. Ben, c'est souvent la réflexion qu'on me fait. Et honnêtement, je pense qu'il faut plus de folie que de cran. Voilà, il faut un petit grain. Et puis croire en soi, croire en ce qu'on ressent. Parce que finalement, on est là pour... on est là pour quoi ? Pour se faire plaisir. Évidemment, il y a des contraintes économiques. Mais moi, j'ai eu la chance de gagner bien ma vie avant, ce qui m'a permis d'acheter mon terrain, ma maison... Et d'être autonome aujourd'hui, ça c'est sûr, c'est un gros atout. Nous allons faire une première pause musicale avec un son que vous avez choisi, à savoir Be Happy de Luna Grit, et on se retrouvera juste après sur le 107. Why don't you pick up the phone? Did I say or do something wrong? And are you seeing me through the peephole? I swear that I'm not like all these people. Happy to share. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Claire. Vous m'aviez dit hors antenne que l'artiste qu'on vient d'écouter vient des Vosges. Oui, elle s'appelle Claire Verity, elle est originaire de Vanier. Et là, son nom d'artiste, c'est Luna Grit, et elle habite Nancy aujourd'hui, et j'aime beaucoup. Moi, je voulais vous poser comme question, c'est quoi une maroquinerie ? Eh bien, une maroquinerie, c'est des sacs, des portefeuilles, des bijoux. Donc, je crois que ça vient du nom Maroc, parce qu'au Maroc, ils font des cuirs. Il me semble que c'est un rapport avec ça, étane de façon artisanale, dans des cuves qui sont foulées aux pieds. Enfin, c'est... Je crois qu'il y a un endroit à Marrakech ou par là. Enfin, je ne suis pas très, très bonne dans l'orientation et la géographie, mais je crois que c'est un truc touristique qui se visite, la tannerie, comme à l'ancien temps, quoi. Mais tanner, c'est transformer une peau en cuir. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est un processus d'oxydation. Donc, c'est très corrosif. Il y a beaucoup d'étapes. Il faut que la peau, elle macère dans des saumures, un petit peu comme les cornichons dans l'eau, là. Donc, c'est une saumure oxydative qui peut être faite avec beaucoup de... Donc, il y a du sel, de la lin, des déchets végétaux qui vont aussi colorer le cuir. Donc, ça, c'est la façon de tanner, qui s'appelle un tannage végétal, avec des éléments végétaux. Donc c'est assez long comme procédé, ça fait des cuirs très résistants, et du coup comme c'est long, ben, c'est du tannage qui est plus cher, et ben, nous les humains, on a inventé un tannage plus rapide qui s'appelle tannage chimique, donc c'est toujours une solution, un trempage, et c'est fait, cette solution elle contient du mercure et du chrome, et là... Donc ça peut être fait, le process de tannage ne demande que 3 mois au lieu de 12 par exemple. C'est ça, c'est beaucoup plus rapide, mais du coup le cuir il est gorgé d'éléments chimiques qui peuvent être nuisibles à la peau. Donc ce sont des cuirs moins chers, ils gardent leur résistance, mais peuvent être nocifs, quoi. Il y a des gens qui réagissent très vite. Assez composé chimique. Ça peut aller jusqu'à avoir une sensation de brûlure. Hein. Ouais, il y a des... Je ne sais plus comment ça s'appelle cette maladie, mais tout au début, quand je faisais des chaussures, j'avais eu un contact d'une dame qui ne pouvait pas mettre de chaussures industrielles. Elle ne mettait que des chaussures en toile parce que sa peau réagissait à deux composants, donc la chimie des cuirs et les solvants des cols. Donc vous imaginez, elle était en chaussures en toile toute l'année, même en hiver. Donc elle était venue me voir, est-ce que vous pourriez me faire une paire de chaussures sans solvant ? Donc oui, avec le montage cousu, on n'utilise pas de colle. Et sans chimie. Alors moi, je ne maîtrise pas ce qu'il y a dans le cuir, donc on a fait des essais avec les peaux que j'avais en stock, qui étaient en tannage végétal. Et sa peau n'a pas réagi, donc je lui ai fait, je crois, une paire de sandalettes et une paire de chaussures fermées. Voilà. C'était tout. Moi, je savais même pas que ça pouvait exister, ce genre de maladie. C'était assez impressionnant. Hein. Il m'avait montré des photos de ses pieds, mais c'était comme brûlé au deuxième ou au troisième degré. C'était énorme, quoi. Une réaction énorme. Et je sais que c'est une maladie rare, mais voilà, ça existe. De tous les cuirs que vous utilisez, à savoir le veau, la vachette et... L'agneau, quelquefois le poulain, ça peut être du chevreau. Et après, il y a des cuirs exotiques. J'utilise, j'avais eu une fois du crapaud. Ah oui ? C'est tout petit, c'est tout rugueux. Et j'ai actuellement du cuir de poisson. C'est du saumon, c'est tanné à Arcachon. L'entreprise, ça s'appelle Fémère. Et ça, c'est bon, c'est de la peau toute fine, c'est pas très grand. Ça sert en décor sur un sac ou des bijoux ou peut-être un portefeuille. Voilà, c'est des éléments décoratifs parce qu'on peut pas utiliser ce cuir en tension, pas l'utiliser dans une chaussure. Ça se déchirerait. Et c'est différent du serpent, donc ces écailles à plat et plus grosses. C'est très chouette, on peut leur demander la couleur qu'on veut. Il y a tout un panel de couleurs. Je sais que j'en ai en jaune et en marron, un petit peu miel. De tous les cuirs que vous utilisez, c'est lequel qui est le plus difficile à manipuler ? Alors, celui actuellement... Enfin, en fait, c'est en épaisseur. Plus ils sont épais, plus ils sont lourds et difficiles à percer. Et quand ils sont tannés en tannage végétal, ils sont très costauds, donc encore plus résistants. Donc, celui qui serait le plus dur à l'heure actuelle que j'ai en stock, c'est un cuir de taureau qui est tanné au tio, qui vient du tio. C'est aujourd'hui, je ne sais plus son nom, mais il me semble que c'est Tannerie Sauvos. Avant, ça s'appelait Grosjean et ils ont encore changé le nom. Et je leur achète du taureau en tannage végétal en 3 mm d'épaisseur, voire 4. Le dernier que j'ai rentré m'a servi à faire des ceinturons et aussi de la décoration. Voilà, des éléments qui font de la déco mais qui restent dehors. Donc que ce soit du cuir qui bouge pas, quoi. J'ai vu via votre site que vous faisiez des guêtres, des serre-têtes en cuir, des boucles d'oreilles en pompons et des pendentifs. Comment est-ce que vous faites ça ? Alors, on va commencer par la collection de cette année. La collection de cette année, donc j'ai travaillé sur le lemniscate. C'est une forme qui a la forme de l'infini ou la forme d'un 8 horizontal. Donc ça représente un maillon. Quand on le plie en deux et qu'on entrelace chacun avec son voisin, ça crée une chaînette. Et cette chaînette, je l'ai exploitée en collier serre-tête. Donc ça veut dire qu'avec un seul produit, vous avez deux fonctions. La petite chaînette là, vous allez la mettre sur votre tête, ça sera un serre-tête. Et autour de votre cou, ça devient un collier. Ce qui est intéressant dans ce format-là, c'est que ce sont des pièces assez larges finalement, mais qui ont très peu de poids. Et c'est très doux à porter, à la fois le collier ou le serre-tête. Tout est réglable, parce que le cuir, il va devenir, comme c'est un petit peu élastique, hein, au bout d'un moment, il va se détendre. Donc vous pouvez le re-régler à votre tour de tête. Il peut être multicolore ou unicolore. Vous choisissez votre cuir et je découpe toutes les pièces. Et cette chaînette, je l'ai développée aussi en anse. Alors c'est une anse qui est terminée par des mousquetons, donc vous pouvez le mettre sur un sac, sur un appareil photo, voilà, sur tout ce que vous avez envie de porter avec. C'est confortable pour le passage d'épaule parce que c'est large. Et puis ça fait un côté très, très mode, très fashion, qui reste indémodable parce que c'est quand même une ligne esthétique assez simple. Les guêtres, moi je fais des guêtres de ville, donc c'est la partie chaussante de la jambe qui va de la cheville jusque sous le genou, ou ça peut être plus grand que ça. Donc ça remplace les bottes, c'est une partie qui tient les pieds et les jambes au chaud. Ça, c'est amovible, donc c'est plus pratique qu'une botte. Et mes guêtres sont vraiment des éléments de comme un bijou. C'est-à-dire que je les traite avec de la broderie ou différents cuirs ou des ajourés ou voilà, une façon plus couture de présenter une botte si on veut. Alors en temps, ça c'est très variable, hein. C'est en fonction du travail que je veux mettre dessus, hein. Je ne saurais même pas dire un nombre d'heures, mais après ça, c'est que des produits sur mesure, parce qu'il faut le tour de la... Enfin, il faut les côtes du mollet, de la cheville, la hauteur que la cliente veut. J'ai aussi inventé les guêtres qui sont mixtes en matière, c'est-à-dire avec des textiles recyclés. Ce sont des cravates anciennes et du cuir. Donc ça c'est venu comme ça, je sais pas trop d'où, ça fait déjà quelques années que je fais ça. C'était aussi parce que l'attrait de ces merveilleux tissus de cravate là, c'est toujours très très minutieux, très bien fait, avec de la soie souvent, donc c'est un tissu luxueux et puis ça sert plus trop. Et voilà, si on les empile, et ben on peut faire des guêtres super... super chouette, légère, chaleureuse, insolite. Voilà, ça reste des pièces uniques, hein, donc c'est... Donc ça, c'est des accessoires de mode et ma marque propose des accessoires de mode avec une typicité, un caractère assez affirmé, ce qui vous permet de créer votre univers en utilisant une base de vêtements très simple. En fait, c'est le principe des accessoires, c'est qu'il suffit d'un basique en vêtements, je veux dire un leggings uni avec un t-shirt uni, et puis vous créez votre univers mode avec une ceinture, des guêtres, un sac, des bijoux qui vont avec, une paire de chaussures, et voilà, vous avez votre propre univers. Vous pouvez révéler qui vous êtes à travers le choix de vos accessoires. Ça peut être plus rock'n'roll ou plus chamanique ou médiéval, ou voilà, plein d'univers différents. Alors justement, vous parlez de médiéval, j'ai vu via votre site que vous fabriquiez des manchettes médiévales. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Le médiéval, c'est un vaste sujet parce que tout le monde n'identifie pas toujours les mêmes motifs comme du médiéval. Mais moi, a priori, dans ce que je peux faire, j'ai pas de limite. Donc, si le client il veut un produit particulier et qu'il est à même de me faire un petit dessin, que je comprenne ce qu'il veut, voilà, c'est parti. Médiéval, rock'n'roll, je sais pas moi, vintage, tout est possible. Hein. Et en ce moment, je fais un bracelet pour homme un petit peu large avec un motif médiéval. Là, c'est un pur motif médiéval. J'ai fait faire la matrice en cuir pour imprimer le cuir. Donc, c'est pas comment ça s'appelle le motif celte, un triskel. C'est pas un triskel, c'est des animaux. Je crois que ce sont des aigles. Et donc, c'est imprimé sur un cuir de veau en tannage végétal. Donc, ce cuir, il reçoit l'impression. Donc, c'est un motif bosselé, on va dire. Et à partir de ce rond-là, qui doit faire à peu près 5 cm de diamètre, eh bien, je construis un bracelet autour, quoi. Et ça, c'est le motif principal. Ça, c'est pas encore visible sur le site, parce que c'est en préparation. D'accord. Qu'est-ce que vous faites d'autre ? Alors, j'essaie d'inventer des pièces chaque année. Donc, si je me souviens bien, donc aujourd'hui, en 2022, c'était la collection Maillon. Et en 2021, j'avais travaillé sur la ceinture chakra. Alors, c'était de développer une boucle de ceinture qui allie un minéral et une autre matière pour pouvoir le coupler à du cuir. Alors, j'ai rencontré sur un salon des métiers d'art à Épinal un menuisier ébéniste. Non, je crois qu'il n'est pas ébéniste, il est marketeur. Il s'appelle Nicolas Roux, il habite Vanier. Et lui m'a permis de développer, de créer vraiment cette ceinture comme je l'avais imaginée, parce qu'il me fait la partie bois de la boucle qui reçoit le minéral. Donc il s'adapte à la forme de la pierre, la tranche de pierre. Et du coup, autour, voilà, j'ai construit autour de la boucle le ceinturon en cuir. Et voilà, c'est fait des pièces uniques qui sont très sympas. Ça coûte 90 euros une ceinture comme ça. J'en ai encore quelques-unes de la production de 2021. C'est toujours, chaque année, j'essaye d'inventer un truc nouveau. C'est assez simple pour moi. Ma tête, elle a toujours une longueur d'avance. Toujours envie d'expérimenter des nouvelles formes d'associer des nouvelles matières. Et j'aime bien aussi l'effet d'être corporate avec des autres artisans d'art qui sont à proximité. Est-ce que vos créations ont toujours été diversifiées ou à la base vous faisiez par exemple que des chaussures ou que des sacs à main ? Ça s'est assez vite diversifié. Pourquoi ? Déjà en un, parce qu'il faut s'adapter à ce que le client est en capacité d'acheter, donc faire des pièces avec des prix plus petits. Et puis en deux, c'est ce que j'expliquais, c'est que moi j'ai toujours envie de me risquer à inventer quelque chose de nouveau. Voilà. du coup, ben oui, je suis toujours en développement d'un nouveau truc. Ben, c'est bien, mais on ne se repose pas sur ses acquis, il faut toujours se renouveler finalement. Ah ben, je pense qu'aujourd'hui, c'est une obligation. De toute façon, même si on fait un métier avec des savoir-faire ancestraux, il faut qu'on fasse du buzz. Voilà. Et donc le buzz, ça veut dire surprendre, innover. Ça fait partie pour moi du processus créatif. Alors vous disiez avant la première pause musicale que vous organisez des ateliers. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus ? Oui, alors les ateliers, c'est des stages d'initiation au travail du cuir. Pour vous donner un petit exemple, donc il y a des durées variables. On peut faire un stage sur 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. En 1 heure, on peut faire un porte-clés requin ou un bracelet tressé traditionnel en 3 brins. Après, je crois qu'en 1 heure et demie, on peut faire des bijoux, donc sur le thème de la fleur. Ensuite, en 2 heures, on peut faire une pochette de ceinture ou un portefeuille. Il a une durée de 2 heures aussi, ce stage-là. Et après, c'est des sacs. Il y a 2 modèles de sacs. Il y en a un en 2 heures et demie et un en 4 heures. Évidemment, celui de 4 heures, il est plus gros que celui de 2 heures. Et il y a aussi au programme le serre-tête. Maillon, là, voilà. Et je vais mettre un stage sur de la guêtre. J'ai encore pas bien ficelé, parce que c'est un stage à faire sur un week-end. Donc, il faut que je valide les hébergements, où c'est que les gens peuvent dormir, tout ça, voilà. Donc, ça demande un petit peu plus de recherche, de mise en conception en amont. Et voilà, ce sera le plus gros stage, ça. En durée et en coût. Combien de personnes vous prenez pour les ateliers ? Alors, pour les gros sacs, c'est maxi 5-6, parce que pour une question de place. Et pour les petits ateliers, c'est 10. Donc, c'est dans une pièce, au chaud, en hiver ou quand il fait moche. Mais en été, ça peut être au jardin, que j'ai une esplanade très sympa dehors. Donc, pourquoi pas allier le côté nature sympa et fabrication manuelle. Voilà. Est-ce qu'il faut réserver pour participer ? Ah oui, il faut réserver. Il vaut mieux s'y prendre un petit peu en avance pour être sûr d'avoir de la place. Surtout que cette année, alors il y a toujours les stages les après-midi et j'ai aussi des animations qui viennent se greffer. Parce que j'ai décidé d'offrir mon espace que je réserve aux ateliers à des autres intervenants du bien-être. Donc il y a des intervenants qui viennent faire découvrir des techniques de bien-être avec les bols chantants, de l'astrothérapie, de l'astrologie de résilience, du magnétisme, enfin voilà, des soins, des gens que j'ai rencontrés. Je trouve que c'est super et moi je trouve que mes stages sont dans un processus de développement personnel par le geste. Donc, je me suis dit, on va allier tout ça avec un processus de développement personnel, avec d'autres techniques et d'autres intervenants. Parce que le lieu s'y prête très bien pour se détendre et c'est toujours. Et les clients, ils sont toujours émerveillés et de l'endroit et de l'atmosphère qu'il y a dans cet endroit. Donc, pour aider à ce que les gens se sentent en joie, détendus et gardent un bon souvenir de nos Vosges, voilà, en rencontrant des gens. Qui sort de l'ordinaire. Voilà, c'est un petit peu un package. Comment est-ce qu'on peut réserver si on veut participer soit à vos stages, soit à vos ateliers ? Alors, pour voir le contenu, il y a un site qui s'appelle www.ateliercuirvauche.com. Il y a aussi une page sur Facebook qui s'appelle Atelier du cuir Claire with a K. Sinon on peut m'appeler au 06 62 58 09 21, j'enverrai les liens comme ça directement, où on peut discuter des stages. Donc, toutes les réservations se font pas du tout en ligne, elles se font par téléphone. J'avais mis un truc en ligne mais les horaires ça convient pas, le jour ça convient pas, donc voilà, moi je préfère faire ce que je vous ai dit, moi je travaille l'humain, donc je préfère qu'il y ait une interaction en direct, comprendre ce que les gens recherchent, veulent. Et puis, je prends les inscriptions. Là, je prends déjà des inscriptions pour le mois de juillet. Parce que comme je travaille beaucoup plus avec les touristes, Il y a des gens qui prennent des locations déjà pour juillet. Donc, du coup, ils cherchent des activités qui peuvent aller avec. Mmh. Voilà. Les inscriptions pour juillet sont ouvertes. D'accord. Bah, auditeurs, si vous avez entendu cet appel, c'est le moment ou jamais de vous inscrire. Oui. Et puis j'envoie un mailing aussi aux propriétaires de location. Donc j'ai une petite base de données avec leur mail, mais si c'est certainement plein de propriétaires de location que je n'ai pas en base de données, donc si ça les intéresse, ils m'envoient leurs coordonnées par mail et puis je leur envoie les supports de com que je crée. Donc mon mail c'est klairwithak@gmail.com. Donc c'est klairwithak@gmail.com. Et du coup, je fais un emailing destiné aux locations. D'accord. Voilà, pour les clients du massif. Est-ce que vous avez déjà été l'objet d'une interview télévisée ou l'écriture d'un article dans Vosges Matin, par exemple ? Oui, Vosges Matin, j'ai déjà eu une parution. C'était plutôt au début pour Vosges Matin. Et une émission, je me souviens d'une émission avec Sophie Sapp sur Vosges Télévisions. C'était très sympa, ça s'appelait Tête de l'art. Et d'ailleurs, elle est en visionnage tout en bas du site de ma marque. Il y a une petite vignette vidéo et on a cette émission qui a été enregistrée. C'était un très très bon moment. Nous allons faire deux pauses musicales avant de parler de votre actualité. On vous laisse avec Mantra de Ganesh et Beethoven. On se retrouvera juste après sur le 107. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Claire. Merci aux auditeurs qui sont avec nous depuis le début de l'émission et merci à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre via le 107, Orange Radio et Radio Line ou via l'application mobile Les Radios Associatives. Alors Claire, quelle est l'une de vos créations dont vous êtes la plus fière et pourquoi ? La plus fière, je dirais c'est la manchette ciselée en cuir. Pourquoi ? Parce que je suis avec ce produit-là, donc c'est un bijou contemporain. C'est une manchette, donc c'est un bracelet qui fait 7 cm de large. Il est tout en transparence, parce que c'était la période qui correspond à l'envolée des tatouages. Voilà. Donc ça doit être vers 2012-2013, si je me souviens bien. Et moi, je voulais travailler avec cette transparence de la peau, mais sans me faire mal, voilà. Et donc, du coup, j'ai inventé cette manchette-là. Et avec cette manchette, j'ai été retenue pour un salon en Allemagne qui est très haut de gamme, qui s'appelle Eunik, qui est à Karlsruhe. Donc, j'ai fait ce salon à Karlsruhe et c'était... Enfin, déjà, c'est une ville super. Je sais pas, il y avait 350 artisans, exposants du monde entier. Et c'était magique. Et j'étais très fière d'avoir été sélectionnée pour participer à ce salon-là. Comment est-ce que vous êtes fait connaître et comment vous avez établi un réseau de contacts ? Principalement au début, c'est avec les systèmes des métiers d'art des Vosges et après de Lorraine et après maintenant Grand Est qui organisent des salons. Donc au début, moi je ne savais pas trop comment montrer, donc je suis vraiment rentrée dans le jeu des métiers d'art en répondant à leurs propositions de salons à droite à gauche. Et après, au bout de quelques années, je me suis dit, mais ok, je me fais connaître dans ces salons, je dépense de l'argent pour y aller, j'achète ma place, je fais tout ce qu'il faut, comme on me dit. Et finalement, en salon, je vends rien, ou très peu. Donc c'est beaucoup de dépenses, parce que j'ai intégré que ces salons, c'était la sortie du dimanche pour les gens, pour les kidam, pour la famille, pour... C'est sympa, on va voir des foufous qui fabriquent avec leurs mains des trucs sympathiques, mais il n'y a pas, pas forcément les achats derrière qui nous permettraient de vivre. Donc j'ai arrêté de me montrer sous cette façon, pas parce que je suis un vilain petit canard, mais parce que c'est beaucoup de dépenses pour rien. Donc j'ai préféré faire autrement en créant des boutiques éphémères ou des événements à partir de mon atelier, ou des événements en allant rencontrer d'autres artisans au sein de leurs ateliers, donc plutôt dans des interactions. Parce que oui, je remercie la région et le département d'organiser ces salons, mais c'est des salons où ils savent très bien qu'on ne va pas gagner notre vie. C'est pas là, il faut espérer avoir des retours par après et... Aujourd'hui, c'est dur, quoi. Donc, j'espère que ce format de salon, à l'avenir, ça reprendra du galon et un vrai élan économique. Les gens vont se rendre compte que d'avoir des savoir-faire qui leur sont proposés, c'est aussi faire vivre des gens comme eux et privilégier des savoir-faire locaux ou pas locaux, d'ailleurs, plutôt que d'acheter des produits industriels. C'est un petit peu la même démarche que faire ses courses dans des petites boutiques, plutôt que d'aller au supermarché, quoi. C'est exactement ça. Il faut savoir ce qu'on veut, il faut savoir ce qu'on veut pour l'avenir. Voilà, on ne va pas faire de politique, mais c'est quand même une démarche. Consommer du savoir-faire, consommer auprès d'un humain, avoir une interaction avec lui, c'est toute une démarche, une éthique. Mmh. Une éthique de vie, une éthique d'avenir, une éthique de consommation. Donc se faire connaître, mes ateliers sont plus connus par les touristes, évidemment, parce que mes stages, je les dépose sur des supports qui ont vocation à être consultés par les touristes. Les offices de tourisme, des sites labellisés pour le voyage exprès. Auprès des... Pour se faire connaître ce genre de modèle de stage auprès des locaux, les locaux, ils ne vont pas dans les offices de tourisme de leur ville. Ils n'ont pas le temps. Et ils font ça quand ils sont en vacances. J'en ai bien conscience. Donc, il y a la presse, il y a la radio, il y a laisser des tracts, faire des affichages. Quoique les tracts et les affiches, ça marche de moins en moins bien. Donc voilà, il faut innover. C'est comme dans la vie. Il faut essayer de surprendre, d'innover, de se faire connaître aussi par le bouche à oreille. Ben moi, je vous ai dit, j'utilise le mailing avec les gîtes et les propriétaires de location. Ce que j'essaye de leur faire comprendre, c'est que s'ils proposent vraiment des ateliers comme ça, qui sortent de l'ordinaire à leurs clients, ben ça fait un plus aussi dans leur service. Mmh. Ils amènent un service supplémentaire à leurs clients. Tous les hôtels, les restaurants, les campings, ils font pas ça, donc ils ont pas le temps. Mais voilà, si on a une location et qu'on veut se démarquer, apporter un petit plus pour sortir du lot, ben, jouer la carte des ateliers d'art, quoi. C'est tout simple. Mmh. C'est quoi l'actualité de Claire with a K? L'actualité de cette marque, pour l'instant, j'ai pas de salon en vue, mais j'ai un projet dans ma tête de faire un tournage qui inclurait des gens, des kidam, des hommes, des femmes équipés avec mes guêtres et au moins un autre accessoire pour mettre en avant mes guêtres. Donc ça serait dans un centre équestre local. Voilà, trouver... et pour faire un tournage, il faut au moins, je dirais, 5 hommes et 5 femmes. Voilà, ça c'est un projet qui me trotte dans la tête, oui. Pour réaliser une vidéo, pour mettre en scène des accessoires, pour montrer que voilà, tout le monde peut les porter. Il n'y a pas besoin d'être une vedette ou quelqu'un qui fait de la scène. Et les guêtres, ça colle bien avec l'univers de l'équitation, hein. Donc voilà, la boucle serait bouclée, ça serait bien ça. Et est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet et les réseaux sociaux? Ah oui, alors Claire Wiveke, c'est un site propre, www.clairewiveke.eu. C'est un Instagram, Claire Wiveke, je crois qu'il y a des tirets. Et il y a une page Facebook aussi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite à vous et à votre entreprise? Que des gens s'y intéressent et que moi, ce que j'aimerais bien, c'est que ça se développe en notoriété. Ce que j'aimerais bien aussi, c'est certainement faire une boutique en format éphémère ou pas, dans une grande ville, genre une ville comme Lyon ou Besançon, ça m'irait bien. Mmh. Voilà, ou une ville avec... qui est touristique, pas forcément une grande ville, mais qui a du patrimoine où les touristes passent. Voilà, ça me correspond très bien aussi à l'univers que je véhicule avec ma marque. C'est parce que être dans une grande ville, finalement, avec plein de marques autour et tout ça, c'est peut-être être une aiguille dans une botte de foin. Donc ça serait... je pense que... Mon univers créatif irait bien dans une ville médiévale avec des ruines de châteaux, des petites ruelles pavées, voilà, en Périgord ou je sais pas, voilà. Quoi. Là, je parle de la France, mais ça peut être ailleurs aussi. Hein. Je sais pas trop. J'attends qu'il y ait une petite manifestation du divin, on va dire, qui m'aide. Cette émission est maintenant terminée. Claire, merci d'avoir été avec nous. Merci Laura, je suis ravie. Je suis ravie que vous reveniez une nouvelle fois à Radio Gamozo, à savoir que c'est votre troisième fois, on ne dit jamais 304 finalement. Ah ben voilà, quand vous voulez. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que vous reviendrez nous voir du coup. Ah oui, volontiers. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle émission d'Autour de vous. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. C'était Laura, bye tout le monde.